23h. Le Rico Show sur Énergie. Hello, bonjour tout le monde, on est là jusqu'à 23h. Je dis bonjour parce qu'on vient de se lever nous hein. Voilà, pour être tout à fait franc, on a fait 10 heures d'antenne cette nuit, de 20h à 6h du mat. On va débriefer du nouvel an. Venez nous raconter, tiens, comment ça s'est passé, vos histoires, vos embrouilles, vos amours. J'adore le nouvel an. Souvent le nouvel an c'est le moment un petit peu chaud de l'année. Il se passe des choses, il y a des bonnes affaires. Tu sais, il y a toujours la nana que t'aurais pas pu pécho en temps normal hein, à qui, voilà, t'as pu faire un petit coucou. Voilà, on en part. 0800 70 42 48, on vous attend. Et moi perso, je n'ai pas reçu de SMS de bonne année. Enfin un petit peu, mais pas autant qu'avant. Est-ce que c'est pas en train de mourir? Là, vous êtes tous en voiture à la maison, on vous dire « Ah merde, je voulais pas le dire, mais je suis pas le seul à ne pas avoir d'amis. » Non, mais c'est vrai, ça s'est arrêté, on va en parler. Et puis, toutes les questions sur le sexe opposé, vous saurez tout. Toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu en 2018, eh bien, on va y répondre. Là, moi, je veux tout savoir sur la femme, et Sarah, je sais que tu veux tout savoir sur l'homme. Ah oui, sur l'homme, mais pas vous comme homme. Sur D'accord. les autres hommes qui existent sur cette terre. Bonsoir à tous et bonne année. Bonsoir Sarah, merci d'être là. Toujours aussi piquante. La Harissa 2019, mesdames, messieurs. Sarah Cadour est là. Ça va le tombeur? Bah écoute, en pleine forme. Oula, 2019 a-t-il commencé sur les chapeaux de roue, expression de 1904. Ah oui. Avec une nana. Bah d'entrée de jeu, hein, hier soir avec la voyante. Ah hein. Oui. Bah ouais, mais non, apparemment, mais elle t'a bien vu dans ses rêves. Hein, non, il y a eu contact. Bah il y a eu un petit contact, il y a eu une petite échange. De téléphone. D'accord. Donc voilà. On en est où? Ça discute ou pas? Ça se discute tranquillement, voilà quoi. Bon. Tout simplement. Eh ben écoute, on espère qu'elle verra dans tes boules. Exactement. JM est là, ça va JM? Écoute, bonne année, mon Rico. Hein, on se dire tous les jours là. C'est vrai. Donc on va pas hésiter, je te le C'est dis. Franchement, ça va au top. Hein, 2019, première journée. J'ai dormi de 7h30 à 17h30. Quelle vie qu'on est bien. Oh là là. Quelle angoisse. M'angoisser en 5 secondes. Venez, 0870 42 48. Erika est là. Ça va, Erika? Bonne année, ma chérie. Bonne année, Rico. Bonne année, tous. Oh bonne année. Là là. Je la kiffe. Princesse Erika est avec nous. À l'ancienne. J'adore. Ravie. J'adore Princesse Erika. Faut que je travaille. Et me la couler douce, ah, c'est ce que j'aime bien coup. Faire. Elle chantait ça. Elle était au même rayon des disques invendus. Avec Sarah, c'était dans le même endroit, la Fnac, je le dis. Erika, elles étaient côte à côte, les deux, elles ont été très copines. Erika, une bonne nouvelle, est-ce que t'en veux une là pour démarrer l'année? Ah, bah oui, bien sûr. Tiens, tous les jours fériés seront en semaine, sauf le 14 juillet, mais on s'en fout un petit peu. Donc ça va être le bonheur. On va pouvoir flâner le 1er novembre, le 11 novembre. Tout est peinard, c'est en semaine. On va rallonger les week-ends. On va se faire plaisir. C'est génial. Mais c'est bien pour les gens. En plus, c'est payé les jours fériés, non? Ah oui, moi je peux le. C'est génial. Ouais, c'est payé. Ah bah c'est très. Oui, non, je sais bon, pas. C'est payé quand tu travailles si t'aimes même pas trop. Bah oui. Allez, on en part. J'ai d'autres bonnes nouvelles pour commencer l'année. On est sur Énergie. Bonne année à tous. On a plein de choses à voir ensemble, notamment. Tiens, c'est l'année d'un animal. Vous le savez, en Chine, on file des animaux en fonction des années. Et celle-ci est très Sylvain Potard. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself yeah. 0870 42 48. Racontez-nous vos histoires de fous, vos rencontres, vos emmerdes, vos gueules de bois concernant cette nouvelle année. Et chaque fois qu'une histoire complètement ouf arrivera au standard, vous faites évidemment le 0870 42 48. Vous entendrez ça. Rico, t'as un coup de fil. Voilà, Claude Alexo sera là de retour, le voyant fou, pour annoncer un coup de fil GM. 2019 part quand même, comme tu as dit, sur des chapeaux de roue. Il y a des moyens, il y a de la production. Eh oui, les amis. Rico, t'as un coup de fil. Le gars est fou. Le gars est fou, il est là à tout moment, il pénètre en l'émission. Pour vous dire qu'évidemment, quelqu'un est au standard avec une histoire de fou. Mais Erika, on parlait des SMS. Toi, t'as fait le 0870 42 48. Les SMS, on en a moins reçu, on en parle, mais vous le savez, c'est l'année du cochon, ça vient de tomber. Ça y est, les Chinois, vous le savez, attribuent un animal par année. Par exemple, Sylvain est né l'année du singe, quoi. Vous voyez, non, mais c'est pas des conneries. On a Sarah et Jim, vous êtes des tigres. J'adore. Votre signe astral chinois, c'est plutôt le tigre. Ouais, c'est des chats. Et puis, me concernant, je suis un loup. Mais non. Un mouton. Ça te va bien. Ça me va bien. Je te jure, t'as le même pelage. C'est vrai. Ouais. Faudrait bien que tu viennes me faire la tonte. Ouh, j'aimerais bien. Non, elle est venue chaude. Hein. Non, franchement, façon, qui touche Sarah, s'y brûle. Hein. T'as les mêmes coucougnettes que le mouton ou pas? Merci, Sylvain. Oh là par là contre, toi, tu n'as décidément pas changé. Erika, je n'en peux plus du gars. 20h08, première émission 2019. Je vais venir te sauver, Rico. Merci, merci, Erika. Bon, j'ai besoin de toi, au secours. Alors, Erika, t'as reçu des SMS, toi, un petit peu, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ça va? T'en as envoyé un petit peu, il paraît qu'il t'arrive une galère. Oh ouais, bah tu sais, comme tout le monde, on fait des envois entiers groupés, tu vois. Oh non, ouais. L'horreur. Ah bah si, c'est normal. Ouais. Donc, j'ai sûr oublié personne. Ouais. Le problème, c'est que j'ai envoyé un SMS à ma pire ancienne collègue de travail. Oh là là. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait guerre sur le SMS ou réconciliation? Bah en fait, elle m'a répondu. Alors sur le coup, je vois son numéro arriver, je fais « Qu'est-ce qu'on veut, elle ?» Ouais. Oh non. Et elle t'a dit quoi? Elle t'a dit bonne année, bonne santé, quelque chose ou... Ben merci, c'est gentil, depuis le temps, bonne année aussi. Oh, c'est gentil pour toi, quoi. Mais Erika, c'est un bon signe, ça, c'est pour se réconcilier. Bah oui, c'est super gentil. Non mais prends cette perche là, appelle-la. Non mais 2019, c'est les bonnes résolutions. Moi, je vais me faire plus amis, par exemple, avec JM cette année. C'est je te jure, je l'ai décidé. C'est vrai. Vraiment, j'ai traîné avec lui. Ah ouais? Ouais, il m'inspire. Je te jure. Par contre, moi ouais, je veux m'éloigner. C'est ça, la bonne résolution. Super résolution, les amis, je la sens bien. Allez, tu ne le vois pas, Maître Gims, Dadju sur Énergie, on est là jusqu'à 23h avec vous pour kiffer. Et que du lourd là, les amis. 0870-42-48. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. Évidemment, on va laisser parler le temps. On a assez haussé le ton. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Est-ce que tu te vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on se disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. N'arrête pas la guerre à cause d'une bataille. N'arrête pas à cause d'une entaille. Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Pour dire que je ne t'aime pas, donc qu'est-ce qui ne va pas? Et tu me tournes le dos pour t'en aller. Rappelle-toi que je suis un daron. Je vais pas te le pardonner. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Yes, David dit première émission de l'année 2019. Toujours présent pour délirer. Hashtag Rico Show sur Énergie. Allez-y, allez-y, foncez. N'hésitez pas à tweeter. On est super contents. Salut Elisabeth, Caro, Amélie. Et puis venez vous inscrire là sur Snap Rico Énergie. Je vais vous faire gagner un cadeau. Envoyez-moi votre numéro de téléphone. Vous allez voir, ça va tomber dans 3 minutes. Je vais vous expliquer nouveau délire. Ça va vous faire beaucoup, mais alors beaucoup rire. Je le sens bien, je le sens bien. Déjà qu'on est mauvais dans les quiz, mais là, la difficulté supplémentaire va vous faire kiffer. On est toujours dans les petites nouvelles du nouvel an et on est avec Erika. Erika, t'es célibataire ou pas, ma poulette ? Non, je suis mariée. Ah, t'es mariée. Je sentais que t'étais une fille bien. Je sentais. Non, mais c'est vrai. Pourquoi toujours Non, mais pourquoi toujours quand t'es attiré vers une meuf, c'est pas possible ? Non, mais c'est vrai. Quand t'es marié, t'es une fille bien, quoi. Bah ouais, non, c'est rien dire. Mais non, excuse-moi. Mais je veux dire que son mec. Ah, t'es en train de dire qu'Erika n'est pas une fille bien. Non, mais je veux dire. C'est toujours quand t'es marié que t'as des opportunités. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et surtout que son mec, il a eu du nez, il lui a mis le grappin dessus, pam, il a ferré. Ouais. C'est vrai, on a la cote. Moi, tu sais que j'ai jamais eu autant la cote que depuis que je suis en couple. C'est vrai? Mais c'est incroyable. Ouais. Ah ouais? Je me fais draguer, mais. C'est vrai, non, c'est faux. La meuf qui veut se rassurer, qui pimente son couple. Alors que Sylvain est bien célibataire. Ah oui. Pose-toi les bonnes questions, vous voulez. Non, mais tout va bien, moi. Tout va bien? Bah, 2019, année de la meuf, comme on dit. D'accord. Ouais, d'accord. Merci. Donc, voilà. Merci. S'il l'a pas répété dix fois, je sais pas ce qu'il a fait. Je vais vous lire un petit message marrant là qui est tombé durant le nouvel an. En fait, c'est un mec qui a envoyé un message parce que une nana lui a laissé un numéro, donc il envoie salut beauté, j'espère que t'as bien dormi. Merci beaucoup pour ton numéro d'hier soir, Marc. Et là, il reçoit une réponse. Salut Marc, tout d'abord, merci pour les compliments de si bon matin. J'ai bien dormi. Merci de me poser la question, mais je crains que la beauté de hier t'ait donné un faux numéro. Courage, ça arrive de temps en temps. C'est énorme. Thomas, le gars s'est planté total. C'est énorme. Non, mais ça arrive. Ça. Le pauvre, faux numéro. Ouais. Ça mais fait du mal, coup, non, mais du coup, il peut matcher avec la personne qui lui a répondu. C'est une belle histoire. Hein, c'est un homme, je crois qu'il était hétéro, il va être très content. Ça, elle essaie toujours de faire des histoires. Non, mais ça, c'est une bonne technique pour rencontrer des meufs. Ouais. Tu vois, tu fais des numéros hasard et après, au petit bonheur, la chance. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Ah ouais, j'ai déjà fait plusieurs fois. Compliqué, hein. Ah non, mais Eric, moi, il me fait peur. Cet homme-là me fait peur. Quel est ton opérateur? On va les appeler tout de suite. C'est-à-dire que toi, t'envoies des messages comme ça au hasard. Voilà, des petits copier-coller, tu vois, lambda. Ouais. Hop, je balance. Et après, c'est comme la pêche, hein. Ouais. T'amorces, c'est à un moment donné, ça fait. Hein. Mais il y a des sites de rencontres, frérot. Ouais, c'est moins cher. Les amis, on est là jusqu'à 23h. Tout nouveau délire avec une patate chaude à l'hélium. Vous allez kiffer, les amis. Oh, on se retrouve dans une minute. Gagnez votre enceinte connectée avec le double hit Énergie. Hey, what's up Énergie, c'est DJ Snake. Écoutez Énergie toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec deux titres de DJ Snake à la suite, appelez Énergie 3937. Et gagnez votre enceinte connectée. Amazon Echo pour écouter Énergie tout le temps. Énergie, hit music only. Salut, c'est Koé. Un petit message pour un grand merci à tous les Sam de l'année 2018. Parce que Sam, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas et du coup, c'est celui qui sauve des vies. Alors bravo à Elsa, Élise, Johan et tous les autres Sam qui ont partagé leur expérience de sauveur sur les réseaux. Et sans oublier nos auditeurs qu'on écoute tout de suite sur Énergie. Une petite anecdote en étant un Sam. Je suis Sam, les gars. C'est moi. Ce soir, je sors avec mon collègue, c'est moi, Sam, le Sam de notre soirée. Et heureusement que Sam était là. Je rappelle que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. Silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We gonna have to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in. nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Émeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Yes les amis, on est avec vous dans la continuité du nouvel an hein, puisqu'on a fait 10 heures d'antenne, vous venez 0800 70 42 48. Et merci à déguistoi.fr, franchement ils sont super, le studio est magnifique hein. Ouais, franchement ils l'ont décoré et vraiment bravo à eux, 3000 références au meilleur prix. Allez-y, foncez, déguistoi.fr, c'est top, j'aime bien. Merci, c'est notre partenaire franchement chaque fois pour faire des soirées. Et ils sont au top et nous permettent d'avoir une belle déco, on les aime très fort. Ouais. Sarah, déguistoi.fr. Voilà, wow. Au cas où ils veulent m'embaucher. Wow. Oh là là. Je crois qu'ils ont fermé. Non mais, je crois que les acheteurs sont allés à la concurrence. Il faut arrêter JM. Tu sais, faudra leur envoyer ce que tu viens de dire là, l'extrait. Il faudra le couper avant que ça rentre. Sinon ils vont pas kiffer. Ça va pas du tout. Les amis, on va faire toutes les news qui sont tombées dans la nuit du nouvel an. Il y a eu des artistes hein. Les artistes étaient de sortie. Et quand ils sont de plus en plus nombreux, évidemment c'est le bal. Je peux vous dire qu'il y a du très très lourd. Les news sont folles de la journée. On se fera aussi toutes les questions sur le sexe opposé. Ah ouais. On n'a pas réussi à résolver. C'est ça. Résoudre, monsieur Sylvain. C'est résoudre en 2019. Ah, okay. On n'a pas su résoudre en 2018 et on essaiera de les résoudre en 2019. Voilà, c'est du latin. Merci. C'est voilà. Du latinus. Latinus, anus, veninus. Je vous expliquerai. La patate chaude arrive. Bref, on délire. Erika, merci d'être passée, ma poulette. T'as fait le 0870 42 48. Je te fais un gros bisou, Erika. Moi aussi, je vous embrasse tous. Et puis, bonne année encore à tous. Et je vous embrasse très, très, très, très fort. Merci, Erika. Plein de bisous. On t'aime fort. On te fait un petit cadeau en partant. Les amis, avant de se faire la patate chaude, là, vous vous inscrivez. Tout le monde peut gagner un cadeau. 0800 70 42 48. Vous venez ou sur mon Snap, vous laissez votre numéro. Rico Energy. R-I-C-O Energy. Les amis, les calendriers, vous y croyez, les calendriers insolites un petit peu? Bon. Insolites, oui, mais sinon, c'est de l'arnaque. Un peu. Ouais, c'est. t'es pas du genre à ouvrir ta porte au petit pompier qui vient vendre son calendrier? Moi, j'enclenche le plan Vigipirate dès qu'un calendrier qui frappe. Je me barricade, lumière éteinte dans la salle de bain en boule. Non. Vigipirate. Elle est jouée à 2-3 soleils. Il n'y a plus personne qui respire, plus personne ne bouge dans l'appartement et de temps en temps elle se met sous le lit. Non mais c'est terrible. Sylvain, toi tu n'es pas trop fan des calendriers de jamais de la vie, à part le calendrier du stade que j'ai fait forcément. D'accord. Voilà, mais sinon jamais j'ouvre pas. En plus, c'est quoi quand tu ouvres, ils te checkent un peu l'appartement et après ils reviennent et ils font leur calendrier. Mais qu'est-ce qu'il y a à checker chez toi, ça le fout. Il n'y a que des objets volés chez les autres. Il est fou ce mec. Il y a du thon. C'est toi la boîte de thon, je te jure. Il est fou ce mec. Les gars, ils pensent qu'ils repèrent chez lui comme s'il y avait des. La blague. Il y avait des choses, j'aime. Non, mais si, quand t'habites un petit village, tu ouvres parce que quand c'est les boueurs qui viennent ramasser les poubelles tous les jours, quand même, c'est une pièce, un petit billet. Oui, parce qu'on le connaît. Moi, par contre, quand il y a des gosses qui viennent avec le calendrier du foot qui me le vendent 20 balles, d'accord. C'est-à-dire que le gosse, il est là, il a les yeux qui brillent, il a 7 ans, il est haut comme 3 pommes, il te regarde, on dirait le chat, mon frère, dans Shrek. Il est là, il te regarde les yeux brillants et te dit 20 euros. T'es au bout de ta vie, mais tu lâches. T'es là, tu lâches. C'est lui dis, tu veux quoi aussi mon slip? Mais tu donnes. Il te fait croire que c'est le futur Mbappé en plus. Il te dit, regarde et tout. En plus, la photo elle est mal imprimée. C'est-à-dire que les gars, tu les vois même pas. Qui est qui? C'est vrai, les gars ils sont foncés, tu les vois pas. Non, mais c'est vrai, la couleur de l'imprimante, au secours. C'est la folie, mais tu donnes. Allez, Offenbach. monde se la refile, elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh oui les amis, elle arrive dans une minute. Inscrivez-vous 0870 42 48. Particularité, vous devrez répondre à l'hélium. Je pense qu'on va se marrer. Ça va être trop bien les gars. J'aime trop la voix. Et je me demande si je vais pas faire un canular à l'hélium. Ah ouais, si on va pas appeler un gars et je vais dire c'est ma vraie voix. Ça c'est énorme. Tu sais, on appelle le gars, je lui dis c'est ma voix, c'est comme ça. Ouais, c'est une bonne idée. J'appelle un hôtel et, ouais, et je vais dire. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Je sens bien le dos. Je sens le dos, ça va être énorme. Et vous savez quoi? On va se le faire, on va se le faire en même temps. D'accord, on va faire un gars en quatre. Okay, on est là jusqu'à 23h avec vous pour kiffer. Vous venez 0870 40 48. À partir de 21h, on démarre à toutes vos histoires, vos rencontres cheloues, vos trucs de ouf. Donc vous venez nous les raconter dès maintenant, là, durant le nouvel an. 0870 40 48. Un coup de fil. Très bien. Non, c'est pas possible, ça. Claude, ouais, je te remercie de cet appel et vous allez débarquer dès que Claude interagit. D'accord. Hein. Et vu, il est sur le qui-vive, hein, notre voyant fou, évidemment, Sylvain. Il est sous hélium aussi, lui, ouais. Ah, bah lui, sauf qu'il le prend par le cul. Il se met l'hélium par le cul. C'est terrible. Les amis, on est avec vous, évidemment, jusqu'à 23h. On parlait des calendriers. J'ai listé les calendriers un petit peu insolites. Donc, il y a le calendrier des hommes et des chatons. Donc, c'est des hommes un petit peu torse nu avec des chatons. Oui, Sylvain, ils ont pas voulu la femelle du chat. Ah ouais, non, oui, voilà, ouais, c'est non, ça, ouais. Je te vois venir gros comme une maison. Ouais, je préfère prévenir que guérir. Gros comme un chat. Gros matin. Il a vu ses poils s'hérisser. Il a levé la main direct. Je veux dire ma connerie. Merci, ça, Sylvain. Il y a un calendrier sans lundi, tiens. Parce que le lundi, c'est pourri. Ah, c'est bon, ça. C'est pas mal, ça. Mais c'est nul, parce que tu l'auras quand même ton lundi. Ça sert à quoi ce calendrier? Ouais, ça fait du bien. Non, moi, mais le déni fait du bien, Sarah. Ouais, regarde, ça, ton mec, il pense qu'il te fait l'amour tous les soirs. Alors qu'il fait ça à ta meuf. Oh non. Alors qu'il fait ça avec Madame Sac. Les amis, on a aussi un calendrier de roues sexy. Beaucoup mieux que les dieux du stade. Ah, c'est pas mal. Bah, les roues sont beaux, gosses. Le roues. Ah oui. Bah attends, un roue de secours, c'est toujours bien. Je peux toujours en avoir un dans sa chepeau. C'est horrible. Non, mais c'est vrai. Vous êtes méchant avec les roues. Moi, j'aime beaucoup les roues, ils sont très beaux, je trouve. Mais et intelligents. Mais t'es ouf, moi je kiffe les rousses. Ouais. Eva Cook, la Miss France, je la trouve super belle. Ouais, attention, une rousse, c'est attirant. Ouais. Moi, ça m'attire, Sylvain Larousse. Non, mais les petites taches de rousseur, j'adore. La rousse, lui, il connaît pas la rousse. Ah, je parlais du Dico. Il est con, celui-là. Il est parti sur les taches de rousseur. Le gars n'est pas à l'heure. Il y a aussi le calendrier de Johnny Hallyday. Ah, celui-là, faut l'avoir. Ah, faut l'avoir dans les WC. Bah oui. Ah, ouais. Avec la relais et tout, c'est magnifique. Ah oui, oui, non, franchement, Johnny, moi j'aime bien. C'est une pointure. Avoir Johnny en calendrier, genre t'adores tous les jours, tu regardes et tu coches tes trucs. Ouais, t'es là. Bah, t'es là, ouais. Mais quel intérêt quand t'es pas fan. En février, c'est Gabriel. En mois de mars, t'allumeras le feu. À chaque mois, il chante une chanson, tu sais. Ah, oui. Et d'ailleurs, toi, ton mois préféré, c'est Omari. Ouais, c'est ça, si tu savais. Le mal que tu m'as fait. Et puis, on a un calendrier avec les plus belles photos de rochers en forme de phallus. Donc il y a les menhirs, vous voyez, ouais. Comme au temps des Gaulois, et là, c'est des Sylvain Potard en pierre. Toi, ce serait des cailloux, toi. moi, je serais le petit poussé. Je te le dis. Bon, ça fait cette patate chaude. Vas-y. On y va, vous appelez, vous inscrivez 0870 70 42 48. Rico Energy sur Snap. On va s'éclater, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, ça? C'est génial. Le derby cheese. Allez, on est là jusqu'à 23h avec vous sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. bitches. Du Rico Show. Tout le monde se la refile ? Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh oui les amis, on est là jusqu'à 23h. J'en ai encore un petit peu. C'était un truc de ouf le truc. Et merci à déguistoi.fr qui nous permet de faire ce délire aussi, là, de se mettre de l'hélium dans la jugore. Oh la voix que t'as, on dirait un ado prépubère. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est horrible. Tu te rappelles les petits minots que tu chopais en sortie de collège ? Ça devait nostalgique. Nostalgique, hein, la seconde B. Il y avait Jean-Louis. Alors attention, il faut que je vous dise quand même hors antenne. Sarah a dit c'est quoi ces ballons d'hélium. JM était en train de lui expliquer que les ballons d'hélium, quand tu les mettais normal en fait, ils allaient au plafond quoi, ils montaient. Ah ouais. Elle ne savait pas que le ballon d'hélium montait au ciel quoi. C'est une sacrée baudruche alors. Ah. La blague de l'année. C'est là, tu la coupes. Hey, frérot, putain, toi tu commences 2019 sur les chapeaux de rouge. Oh, bah, ah bravo Sylvain, j'ai hâte de te voir la patate chaude. Hein. Tout le monde se la refile, vous connaissez le principe, elle est chaude, l'idée est répondre positivement à la question pour la passer à son voisin afin que lorsqu'elle explose, elle soit dans ses mains et ainsi qu'il soit éliminé. Ok ? Oui. On y va, il y a Anaïs. Ça va Anaïs ? Oui, bonne année. Salut ma poulette, bonne année Anaïs. Tu choisis qui ? Moi c'est ça. Oula, tu démarres mal ton année. Féminine. Yes. Ok Anaïs, Rami est là, ça va Rami? Coucou, ça va, bonne année, salut tout le monde. Salut Adil. Très bien, alors t'es pour qui Rami? Bonne année ma chérie. Sylvain, tu donnes tout, comme ça tu viendras jouer avec moi. Ah, oh. Bah écoute, avec plaisir. Elle sait comment te prendre, ouais. Pas par les sentiments si vous voyez ce que je veux dire. Axel est là, ça va Axel? Ouais, salut tout le monde, bonne année à tous. Salut Axel. Bonne année Axel, salut. Tu prends qui moi Axel? Ouais, mais moi je prends JM, je crois qu'il n'y a plus le choix, c'est ça? Ah, c'est ça. Désolé frérot. Il est en sol. Ouais. Mais attention, des fois on fait des bonnes affaires. On va voir. Tu peux commencer par Sylvain ce soir, s'il te plaît? Allez, nickel, je commence par lui, les amis. Sylvain, tu réponds avec l'hélium à chaque fois. Attention, top à la patate chaude. Sylvain, dans quelle ville française se trouve la cité de l'espace? La cité de l'espace. Je sais pas. De quoi parle-t-on quand on évoque la robe d'un cheval? La robe d'un cheval. Vas-y, on va perdre 10 ans avec ça. La robe de cheval? Je sais pas. Mais passe. Si ce n'est pas c'est son pelage. Si ce n'est pas un fruit, qu'est-ce qu'un kiwi? Vas-y. Allez. Un kiwi? Un fruit? Non, mais un légume. Un oiseau. De quelle couleur sont les jonquilles, Sylvain? Ah, jaune. Bonne réponse. Allez, attention, JM, quel plan français permet d'organiser les secours en cas de catastrophe? Le plan Vigipirate. Le plan hors sec. Avec la laine de quel animal fait-on des vêtements en cachemire? Le mouton. Non, la chèvre. Quelle est la race de Bill, le chien de boule? Je sais pas. C'est un cocker. Quelle est la capitale de l'Argentine? Buenos Aires. Attention, Sarah, rugby, quel nom porte le fait de marquer en aplatissant le ballon? Un plaquage. Non, un essai. Un plaquage. Les amis, je suis désolé, mais Anaïs, ta solidarité féminine t'aura porté préjudice. Pardon Anaïs, je suis dégoûtée. D'habitude, je gagne tout le temps. Tu t'excuses auprès d'Anaïs. Je m'excuse, je suis désolée Anaïs. D'habitude, je gagne tout le temps et je t'offrirai un cadeau personnellement. Merci beaucoup. J'adore. C'est incroyable. Je sais pas. J'aime trop. On va la foutre sous hélium. Mais toute la soirée. J'adore le délire. C'est bon, j'ai repris ma. Ah, c'est bon. Vas-y, remets-toi un petit coup d'hélium. Remettez un petit coup d'hélium à Sarah. Là. À quel niveau aussi? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, tu te le mets bien sur le bout des lèvres. Non. Pourquoi je te déteste? Tu te fous trop de ma gueule et toi aussi, je t'aime pas, Sylvain. T'es moche. C'est quoi cette voix? Je kiffe le délire. Anaïs, on t'embrasse, ma poulette, on te fait un petit cadeau. Ouais, merci beaucoup et continuez comme ça, vous êtes super bien commencé l'année 2019. Ah. On t'aime, Anaïs, franchement, c'est trop gentil. C'est la finale, Sylvain JM, qui va l'emporter? C'est ce qu'on va voir, faites vos jeux. Hashtag Ricochot sur énergie, tiens, dites-moi, je vais filer un cadeau sur celui qui mise sur le bon cheval. Enfin, que dis-je, sur le bon poney. On est là jusqu'à 23h, il y aura toutes les questions qu'on se pose sur le sexe opposé auquel on va répondre. Heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take it. Too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky. Does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Maybe your mind, then I took yours and made them mine. I didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me. Finale de la patate chaude, qui va l'emporter? Sylvain ou JM? Et Rami a mis ses espoirs dans JM. Non, dans Sylvain. Ah, oui, oui, oui, oh. Sylvain, ah oui, on sent que tu veux pas du tout JM. Hein, c'est un plaisir, Rami. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. Rami, on t'aime très fort. Axel, pour toi, c'est JM. Eh oui, mais moi je le prends, JM, y'a pas de soucis. Hein. T'inquiète pas, poteau, on est là, je suis avec toi, frère. Aucun problème. On y va, c'est parti. La patate chaude derrière, il y aura toutes les news de la journée, toutes les conneries que vous avez faites. Et je vous le dis, à 21h, on passera sur les histoires complètement folles, ouais, là de votre 31. Donc venez nous raconter vos délires. 0800 70 42 48. L'appel est gratuit, on vous attend. 0800 70 42 42. Oh, ouais, compris. Le gars n'en peut plus. On a fait 10 heures d'antenne, hein, c'est pire. On y va, c'est parti, attention, top, c'est la finale, top à la patate. Attention Sylvain, quel est le prénom de MC Solar? Jean-Claude. Mais n'importe quoi, Claude. Jean-Claude. Jean-Claude Solar. Il est fou, ce mec. Jean-Claude. Je sais. Par quelle épreuve débute un triathlon, Sylvain? Et il a dit hier. Le vélo. Non, la natation. Attention. On a perdu. Il est con, celui-là. Attention, Sylvain. On y va. Quel est le véritable prénom de M. Pokora? Mathieu. Mathieu, bonne réponse. Attention, JM, quelle était la nationalité du coureur automobile Ayrton Senna? Brésilien. Bonne réponse. Oui. De quelle ville se trouve le siège de l'ONU? Dans quelle ville, Sylvain? New York. Bonne réponse, bravo. Wow. JM, en quelle matière est le petit bonhomme chanté par Patrick Sébastien? Arbousse. Bonne réponse, attention. Sylvain, quel animal est Pampan dans Bambi? Le lapin. Bonne réponse. Attention, JM, quelle est la monnaie de la principauté d'Andorre? Je sais pas. Oh là, c'est là l'euro. Ah merde. Ouais. Sylvain, c'est toi qui l'emporte. Super, Abby. Alors, t'es content, Abby? Ça s'appelle Rami. Rami, alors, qu'est-ce que tu racontes? On se voit bientôt, j'espère. Il m'a angoissé. Bah, je t'embrasse. Eh, Rami, grâce à Sylvain, tu remportes un très beau cadeau. On a des enceintes, on a des voyages. Tu vas choisir ce qui te fait plaisir. Ok, Rami? Oh, super, merci Rico. Super. Bisous. On t'aime très fort. Plein de bisous. Et Axel, on te fait quand même un petit cadeau. Désolé, moi, Axel. Ah, mais y a pas de problème. Vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est de participer. Ah, oui, désolé, on t'aime, moi, Axel. T'inquiète, tu vas repartir avec un petit cadeau, ok? Ah, ben ça fait plaisir. Vous êtes sympa. Ça fait plaisir. T'embrasse, moi, Axel. Bisous à tous. Ciao. On t'aime fort, mon Axel. Les amis, on a toutes les histoires concernant vos soirées qui arrivent. On a aussi les idées reçues sur le sexe qui vont tomber. Et je peux vous dire qu'on a du très très lourd. Hein. C'est le dossier tabou du mardi. J'ai toutes les news 2019. Ah ouais. Franchement, il s'est passé des trucs de dingue cette nuit. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ouais. On va en parler, les amis. Et je peux vous dire que la famille de Sylvain était en masse. Hein. Ils ont décidé de sortir et de faire les cons. On en parle. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Salut, c'est Koé. Un petit message pour un grand merci à tous les Sam de l'année 2018. Parce que Sam, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas et du coup, c'est celui qui sauve des vies. Alors bravo à Elsa, Élise, Johan et tous les autres Sam qui ont partagé leur expérience de sauveur sur les réseaux. Et sans oublier nos auditeurs qu'on écoute tout de suite sur Énergie. Une petite anecdote en étant un Sam. Je suis Sam, les gars. C'est moi. Ce soir, je sors avec mon collègue, c'est moi, Sam. Le Sam de notre soirée. Et heureusement que Sam était là. Je rappelle que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Allez, je vais vous parler du pire réveillon, mais aussi d'une réconciliation hyper touchante. Et on parlera d'un accident galerie. Le pire, c'est pas la méchance des âmes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans à sombrer ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge d'essence. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une leur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchance des 10 hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. C'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré, pleuré. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Connectez-vous. Le Rico Show débarque. Yes les amis, 21h tout pile, on parle de vos nouvel an. Ce sera énorme. Les amis, ouais, je vous le dis, on a des histoires complètement folles. Si vous en avez aussi, vous venez 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. 0800 70 42 48. C'est Sarah qui est au standard. Elle est nue, ça ne s'entend pas, mais ça fait toujours plaisir de le savoir. C'est venez ça, nous raconter vos histoires. Elle commence bien 2019. Ah, hein, ouais. Hein, on aime bien, les résolutions sont chouettes. Non, hein. Et puis, comme tous les mardis, il y aura le dossier tabou. On parlera justement des idées reçues dans le sexe. Franchement, j'ai un petit doc là, j'ai appris beaucoup de choses. Non mais beaucoup vrai, beaucoup de choses, même sur nous les mecs, que je ne savais pas nous concernant. C'est bon ça. C'est vrai. C'est on vrai, va s'instruire. On va s'instruire. On est super content de s'instruire. Ouais. On est là jusqu'à 23h évidemment avec vous. Et puis il y aura aussi la boîte à deux doses, tous les dossiers anonymes de l'équipe. Et croyez-moi, il va y avoir du très très lourd. Vanessa est là. On va parler de tout ce qui s'est passé cette nuit. Les news sont dingues. Hein. Franchement, hier les jobards étaient de sortie. Ça va Vanessa? Salut, bonjour Rico, salut l'équipe, je suis trop contente d'être avec vous. Salut Vanessa, salut ma poulette de Chambéry, elle a 32 ans, ça roule, t'es en forme? Eh ben ouais, ça va super bien, vraiment très très bien. Eh ben écoute, bonne année Vanessa. Ouais, bonne année. Merci, c'est gentil. C'est vrai, on oublie de se le dire. Ouais, c'est vrai, on se le dit pas. Bonne année à vous tous. Bonne année. Et moi j'avais un truc, je me rappelle avec ma prof d'éco. Quand j'étais en filière ES, économique et sociale. Et en gros, le truc, c'est que dès le 1er janvier, je me suis juré jusqu'à la fin de l'année de lui dire bonne année. Et en plus, quand t'as une prof d'éco et que t'es en SES, je peux te dire que t'as 9h dans la semaine. Donc la meuf, tu la vois tous les jours, ta prof principale. Et elle est arrivée, bonjour, bonne année, madame Carbois, elle s'appelait. J'embrasse. Et la meuf, jusque fin juin, elle arrivait, elle me regardait, elle avait déjà la tête en bas des épaules. Bonne année, madame Carbois. Oh, la mauvaise année. Elle ne pouvait plus me plaire, elle ne pouvait plus me voir. Je peux dire, alors tu sais, il y a un jour, elle est de bonne humeur, ça l'a fait rigoler. Et puis quand elle vient de s'embrouiller avec son mec, et que toi t'arrives, t'as 17 barreaux et tu lui sors, bonne année, mec. L'amour surtout. Je peux te dire qu'elle ne peut plus depuis frais. Bon, t'as passé un bon réveillon, toi, Vanessa? Eh ben ouais, un peu pote. Donc c'était soirée raclette. Et puis, galette des rois, autant te dire que voilà, je suis bien restée là. C'est bien, Vanessa, t'as pris tes 2 kilos. Ouais. C'est bien. C'est pour ça que tu nous appelles des toilettes. On fait pas la chasse au trône. Hier, je vous rappelle qu'on cherchait des trônes en direct sur l'émission. Alors moi, je vais vous parler du pire réveillon. Franchement, il y a 8 personnes qui ont passé leur nouvel an à 52 mètres du sol, bloquées dans un manège. Alors en fait, vous savez, c'est ces manèges où on vous met un petit peu en hauteur. Il y en a partout, peu importe, ça tourne, ça vole, etc. Et là, il y avait 52 mètres de hauteur. En fait, le mec avait mis une nouvelle pièce, donc ils risquaient pas pour leur vie. Mais la pièce a déconné, du coup, il n'arrivait plus à descendre la nacelle. Donc ils étaient bloqués à 52 mètres de hauteur. Ils ont passé plus de 8 heures, les amis. En fait, ils ont fait le réco show qu'on a fait de 20h à 6h. Ils ont dû se le mettre dans les oreilles. Non, mais c'est vrai, Vanessa, ils sont restés bloqués à 52 mètres. Ils disent, mais c'est génial. Bah attends, c'est génial, c'est exceptionnel à raconter plus tard à tes enfants. Bah, c'est vrai. Attends, ça veut dire que tu te vois être bloqué à 50 mètres du sol. Ouais, tu prends avec l'air. Le zèf qui fait. C'est génial, le froid en plus, ça reconstruit la peau. Moi, je trouve ça génial, j'aurais mais kiffé. Mais non, mais t'es fou, il y a le SAMU qui est arrivé pour le prendre en charge et tout. Bah ça va, attends, c'est un kiff. À la fête foraine, il y a pire. Mais elle ne marchait pas, la machine. Ah ben écoute, Sarah, si tu veux vivre la même chose, on a un balcon juste derrière le studio. On va te déshabiller. Et tu vas être sur le balcon pendant 5 minutes déjà. Allez. Et quand tu seras calmé, tu reviendras. Les amis, on se fait ça tout de suite. Allez. C'est parti, les amis. On la fout dehors. Sarah, c'est parti, on y va. J'y vais. Tu vas dehors. Non, mais c'est vrai, on te prend au téléphone. Vas-y. Allez. On te prend au téléphone dehors. C'est parti. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until the beast, out of world without the peace, face a bit of the truth. Joignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, on est là jusqu'à 23h. Je suis un petit peu enrhumé et Sylvain a subi les foudres de mon nez. Des huîtres. Non. Au menu ce soir. Je crois que c'est numéro 2 en plus. Et bien grâce. Les cons celui-là. En fait, c'est les restes du repas du réveil. Les gars, il y a du stock. Hein. 0800 70 42 48, on vous attend. Dans 5 minutes, on va démarrer toutes les histoires complètement ouf du nouvel an. On se posera les questions sur le sexe opposé. Ok, lequel on n'a pas trouvé encore la réponse en 2018. Donc il faudrait que ça cesse. Il y aura le dossier tabou aussi sur les idées reçues concernant le sexe. Et puis Vanessa est avec nous. Et ma Vanessa, on parlait justement, tu sais, de ces personnes qui sont restées bloquées à 52 mètres de hauteur dans le j'ai froid. J'ai vu les images. Ouais, t'as vu des litrouillés et tout, baptême d'hélicoptère, c'est des canons. Mais... Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est ouf. De 22h à 6h, c'est horrible. Oh là là, c'est vraiment horrible. Et du coup, Sarah a dit que c'était super. C'était l'esprit, après tout, du nouvel an, de la fête. Et justement, des attractions. Elle est donc dehors, hein, sur le balcon. Allez la voir, je vous le dis, elle a même montré un bout de ses seins. Non, c'est vrai. R-I-C-O NRJ sur Snap. Ouais. R-I-C-O NRJ. Vous allez la voir, elle est dehors et elle vous montre deux, trois petites choses. Oui. La cadeau est faux folle en 2019. Tiens, vous l'entendez toquer? Tu l'entends toquer, Vanessa? Reste dehors, t'es bien. Allô Sarah. Non mais allez, c'est bon les cailles, pardon pour tous les forains qui se mettent à 8 mètres du sol. Non, 52 mètres. C'est trop froid. Hey Sarah, je vois d'ici tu pointes. Ah ouais. Elle est derrière une vitre en plus, on dirait qu'elle a guiche, tu sais. C'est vrai, la dernière. En plus, on a les petites lumières rouges du logo d'énergie. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était à Amsterdam. Ouais. Au quartier rouge. Mais ils sont malades. Non, mais ouvre-moi, ça y est, j'ai compris la leçon. Non, mais t'as compris. Non, mais t'es bien dehors. Tu te moquais des gens qui avaient froid là-haut. Je suis désolée pour eux, je les aime fort, promis, tu peux me libérer. Et ça sent moins en plus depuis qu'elle est dehors, je trouve. Ouais, c'est... Écoute, Sarah, tu vas rester encore quelques minutes, ça te fera les pieds. On va la laisser un peu cuire, Vanessa, tu veux bien? Ouais. Allez, nickel. On parle de la réconciliation du jour. Vous savez que les gilets jaunes et les CRS, c'était pas tant de temps. Pour la nouvelle année, il y avait des gilets jaunes qui ont répondu présents sur les Champs-Élysées et ils ont tenu à prendre dans leurs bras les gendarmes qui étaient sur place. Ah, super. Pour leur faire un petit bisou pour la nouvelle année. Bon esprit. On se fait une bise avant de se refoutre sur la gueule la semaine prochaine. C'est un câlin, un coup de matraque. C'est ouf ça. C'est ouf. Et je sais qu'en temps de guerre, il y avait par exemple les Allemands contre les Alliés qui faisait une pause à Noël et qui faisait un foot et puis des choses comme ça. Non mais c'est la trêve de Noël, ils appelaient ça la trêve de Noël. Non mais sans déconner, et puis le lendemain ils se retiraient dessus. Non mais c'est ouf, hein. C'est fou. Ah bah comme quoi l'être humain il a un peu d'arrêt. Non mais c'est fou. Bah, je crois qu'il y en a une qui veut faire la trêve là, justement. Elle est derrière la vitre. Je crois que c'est pas le moment encore. Putain, hey, là les gars, avec la main tendue comme ça, j'ai l'impression qu'elle veut 5 francs. Qu'est-ce qu'elle veut? Je sens que je manque à l'émission, j'ai un peu écouté, c'est pas top. Mais attends, on va vraiment voir si tu manques. Bah écoute, on va te mettre un peu de son, ça va te faire du bien, tiens. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Les amis, vous venez, on parle de vos histoires du Nouvel An dans 5 minutes avant justement de terminer les news, puisque la nuit a été folle cette nuit du Nouvel An. 0800 70 42 48, on vous attend. 20h, 23h, venez vous enjailler avec Humeric Bonnery. Du lundi au vendredi sur Énergie. Les idées reçues sur le sexe tombent aussi, les amis. Ça y est, on va y mettre fin là en cette nouvelle année. Ouais. On est toujours avec Vanessa qui a fait le 0870 42 48. Vanessa, il y en a une qui a froid dehors. Hein. Ah ouais. Je l'a fait poireauter encore un peu. Ouais, on l'a fait encore un peu poireauter, hein, Vanessa. Bah oui, 8h. Hein. Ouais. Ça, je dis. Sarah. Oui. Allez, Vanessa, là, t'abuses, solidarité féminine. Non, allez, ça, Vanessa. Elle est bien dehors. Laisse-la, Vanessa, c'est toi qui choisis. Hein. Vanessa, ouais. On la laisse dehors ou pas? On attend la fin des news. Voilà. J'aime bien. Bravo, Vanessa. En plus, Rico, moi j'ai la vision, elle commence à se frotter à la vitre, je peux dire. Ah ouais. Ça va être nickel. Ah oui, c'est vrai que là. Elle laisse des traces, d'ailleurs. C'est elle qui salit la vitre. C'est complètement ouf cette histoire, hein. Je vous rappelle que Sarah s'est moquée des personnes qui étaient bloquées à 52 mètres du sol, justement dans cette fête foraine. Elle paye donc les pots cassés. Oui, hashtag expression du 18e. Les chapeaux de roue, les pots cassés. Tu sors tout. Ah, les vieux pots font les bonnes confitures. Oh merde. Il faudrait qu'on se fasse ces expressions à la noix. Tiens, les amis, expression à la noix d'ailleurs. On y est. Tiens, le job de rêve là, il y a un mendiant qui gagne 4000 euros par mois grâce aux réseaux sociaux. C'est pas une vanne. En fait, le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il mendie. C'est son boulot. Ouais. Il est sur les réseaux, il est filmé et il dit voilà, suivez mon quotidien, mais filez-moi du blé. Et le mec gagne 4000 euros par mois. Non, mais c'est des cagnottes sur internet. Ouais, ou... ouais, c'est le mendiant 2.0. Ah ouais, hein, c'est vrai. Histoire de ouf. Ah ouais, mais ça, il filme sa story de. Il filme, voilà, il fait des vlogs, des live streams en moyenne 3 fois par jour, fait des vidéos de 30 secondes dans lesquelles il supplie ses abonnés de lui envoyer de l'argent. Dans l'un de ses derniers posts, il explique vouloir déménager à Los Angeles. Je suis très pauvre aujourd'hui. Alors, si vous voulez une exonération fiscale, s'il vous plaît, faites un don à l'association Jovan qui porte son nom. C'est pas le père Sarah Kadour, non ? Ah non, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui déguisé. J'ai vu, il était pas assez poilu, le mec. J'ai vu tout de suite. Mais c'est fou, cette histoire. Et le mec arrive à gagner sa vie comme ça, quoi. Mais franchement, c'est ouf, ce délire-là des cagnottes. Je sais pas pourquoi, les gens, d'un coup, ils s'envoient à mettre de l'argent à des inconnus et tout. Ouais. Franchement, je trouve que c'est vrai, ça prend une ampleur. Je vais le faire, moi, je vais le faire. Mais Sylvain, franchement, vu qu'il est un peu proche de ses sous, je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient te filer de la maille. Ouais, je vais le faire. Moi, je pense que les gens, au bout d'un moment, t'as un phénomène, chacun file un centime, et puis le mec, ou 10 centimes pour la vanne, et finalement, moi, le mec se retrouve et il a des thunes. Mais quoi. C'est ça, au States, il y a 20 ans de ça, il y a un type, il a demandé aux gens de lui envoyer $1, tu sais, parce que à la base, c'est un billet, $1. Ouais. Mais dis-toi, le mec, il est devenu millionnaire. Par courrier. Mais ouais, par courrier, il est devenu millionnaire. Parce que tout le monde lui envoyait un billet, fois 100, fois 200, fois 300. Mais au final, le type, il a fait fortune comme ça. Il a dit, envoyez-moi juste un billet. Ouais, c'est tout. Putain. Bah, le mec à Kardashian, là, comment il s'appelle, Kanye West. Ouais, ouais. Bah, il a fait ça l'année dernière. Ouais. Il a demandé à tous ses fans, parce qu'apparemment, il était sans argent aussi. Demandait 1 euro à chacun, chaque fan. C'est pas vrai. Donc, il avait, je sais pas, 1 million de followers ou 2 millions de followers. Il s'est retrouvé avec $2 millions en 10 minutes, quoi. Là, c'est bon, ça. Hey, Vanessa, ça donne des idées, hein. Ah ouais, ça donne envie, ouais, surtout. Hein. Moi, j'ai Sarah à vendre, hein, venez. Sarah, t'es là, ma Sarah ? Elle est moins chère. Hein. Sarah ? Mais on la voit plus. Oh, Sarah, genre. Sarah, t'es pas en train de tricher, Sarah, je te vois plus. Reviens à la vitre. Sarah ? Fais déjà un film à l'aise. Quoi. Sarah ? Elle est dans le couloir. T'as une tricheuse. Sarah, franchement, t'es une tricheuse. Ah ouais, c'est je réfléchis à une sanction te concernant. Je me suis évadée. Franchement, Sarah, regarde. Pourquoi t'es partie? Je me suis évadée, j'avais trop.

parle de votre nouvel an, toutes vos histoires complètement ouf. Derrière, on aura les idées reçues sur le sexe et les questions auxquelles on n'a pas su répondre en 2018 sur le sexe opposé. Eh bien, on va y répondre parce qu'on va se poser les bonnes questions. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Ouais, et si vous entendez ça, taki taki rumba. Puis ça dans la foulée, c'est le double hit DJ Snake. Vous gagnez votre enceinte Echo Amazon. Vous allez pouvoir kiffer. Vous devrez appeler le 3937, ça va être énorme. Et vous pourrez enregistrer des sons comme ça. Rico, un coup de fil. D'ailleurs, premier coup de fil de la soirée, c'est Alexia qui vient de nous appeler. Vous pouvez faire comme elle, 0870 42 48. Elle vous raconte son nouvel an. Ça va, Alex? Oui, bonsoir. Salut, ma poulette. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne année, ma chérie. Bonne année à vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah écoute, après une soirée bien arrosée, il y a quelqu'un qui a dormi chez moi, en fait, et vu qu'il a eu trop bu, enfin bref, on s'endort. Et quand, dans mon sommeil, en fait, j'entends de l'eau couler. Mmh. Et en fait, à demi-consciente, je me rends compte qu'en fait, le bruit vient de mon appartement. Et en me réveillant, je vois le mec, en fait, qui pisse dans la penderie. Oh non. Ah merde. C'est pas vrai, il a que pissé. Il a pas déchargé la route. Je peux te dire que... Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est chaud. Et du coup, l'armoire est morte. Oh putain, c'est... Non, moi ça m'est arrivé, il y a une amie à moi qui a tiré, je la balance, je m'en fous. J'ai organisé une soirée pour mon anniversaire chez moi, elle a pissé dans mon pot de fleurs. Mais non. Je te jure, en détente, c'est elle l'a pris, elle a fait pipi dans la terre. Elle a bien visé ou elle en a mis à côté? Enfin, un petit peu à côté, mais quand même. Mais c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Non, mais au début, c'était, il faut savoir, c'était un coquelicot. C'est venu à pas le mieux. Non, mais c'est bien, c'est de l'engrais en plus. Ah ouais, mais c'est l'engrais naturel là. Ouais. Moi, non, parlons de ça. Moi, j'avais un pote qui dormait chez moi. Ouais. Et à un moment donné, j'entends le frigo s'ouvrir. Tu vois, ouais. Tu me connais, moi, dès que le frigo s'ouvre, ah, ouais, là, ça clignote. Hein, ça clignote. Pourtant, ah, ouais. Ça fait pas beaucoup de bruit. Moi, ah, ouais, j'ai mis une petite clochette dessus. Au cas où Lupique, c'est 3 yaourts nature. Périmé. Tu sais, tu es sur Lupique. Ouais, j'ai une petite clochette dessus. C'est vrai? Ouais, ouais, toujours. Donc j'ouvre, j'entends la clochette. Ouais. Donc je bondis du lit. Ouais. Et je dis, mais tu fais quoi? Et en fait, le mec, il est en train de pisser dans mon frigo. Non. Je te jure, tellement qu'il était rabat. Ouais. Hein, je te jure, il a pissé dans le frigo. Comment il a sorti rabat? On sent qu'il a fait un séjour à Marrakech. Il se prend pour un vrai Marrakech. Il a un gars. Si, il est bilingue. Ouais. Monsieur, t'as la palme d'oreille. Monsieur, bravo. Alors, t'étais rabat. Voilà, raconte, Rouya. Tu crois. La baisse, regarde. Chouf. Chouf, l'ami. Vas-y, alors file Marrakech. Donc, ouais, mon pote, il est en train de pisser dans le frigo. Dans le bac à salade, quoi. Ah ouais, je te jure. Non, mais c'est pas la base de pisser dans le lavabo quand tu rentres de soirée. Ouais, c'est dégoûtant. Non, mais attends, tu sais pas pourquoi, ta meuf, elle a envie de pisser, t'es là en secrète, tu tournes à gauche, à droite, en plus, c'est pas toi qui mets les mains dans l'évier. Et puis tu vas. Et mais quelle hygiène, après vous vous brossez les dents le lendemain. Non, c'est l'évier. Même la grosse commission dans la douche, on l'a déjà tout fait. Dans la baignoire. Dans la baignoire, moi je connais un très bon ami à moi, vraiment, qui a déjà fait dans la baignoire la grosse commission. C'est quoi. Pas vrai. Alors que sa nana était dans le salon, en fait, il avait honte. C'était les débuts d'une relation. Il est pas en studio. Non, c'est un très bon ami à moi. Et dans les débuts d'une relation, t'as honte d'aller aux toilettes. Ouais. Et la grosse commission, il l'a fait sous la douche et dans la baignoire. Au moins, il n'y a pas le pouf. Ah ouais. Et tout, le gars. C'est affreux. Non, mais il a raison ce type, parce qu'au moins il n'y a pas le plouf quand tu fais. Et puis, et puis là tu mets le chaud à fond, tu vois, et ça carchérise. Soupe miso derrière. T'as un peu les vapeurs par coup de cerveau. J'en peux plus, ces mecs. Alors que Alexia est venue tranquillement, elle a fait 0870 42 48. Elle nous a juste dit qu'il y avait un gars qui avait sub dans son placard. Elle était en angoisse. Et en fait, c'est vous les mecs qui pissez dans les placards. C'est ça. Alexia, tu vois, t'as affaire au type d'individu qui pisse dans les placards. C'est eux. C'est ça. Quel enfer. Alexia, on va te faire un cadeau pour te remonter le moral. On t'embrasse, ma Alexia. La lessive. Plein de bisous. On t'aime fort, ma Alexia. Allez les amis, on va appeler des hôtels avec de l'hélium. On va continuer justement avec vos appels. Un coup de fil. Il y a du monde, on y va. Téléchargez maintenant l'appli Énergie.

Rincon, t'as un coup de fil. Très bien, Claude, très bien. Claude Alexis, le voyant qui intervient. Et c'est Paul qui est là. Ça va, Paul? Salut. Salut, salut Paul. Paul. Ça va, mon Polo? T'es en forme? Il y a du monde. Ah ouais? Il n'a toujours pas fini ouais, le réveillon. C'est encore le réveillon, là. Ah ouais, d'accord. Ouais. T'es pas couché, mon Polo? Ah bah non, pas encore, je me suis levé à 15h. Oh là là, oh là c'est bon ça, mon Polo. Alors raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Oh là là, petit nouvel an incroyable. On avait prévu tous les frites avec les poteaux. Et 16h, on arrive, on avait les frites, tout était prêt, mais on n'avait pas de poulet. C'est pas vrai. Un sacré menu, ça. Ah ouais, du coup, il a appelé le 16. Le 17. Non, le 17. Ouais. Du coup, on a fait appel à notre instinct primaire. Et on a fait comme les hommes de Cro-Magnon, on est parti chasser un poulet. Parce qu'on habite à la campagne. C'est pas l'horreur. Comme le gars dans Koh-Lanta avec la chef. Ouais. C'est vrai, à un moment donné, il voulait rendre le poulet. Il a dit à la tête de ma mère, s'il y en a qui prend le poulet, je défonce. D'accord, donc t'es parti chasser un poulet dans la nuit. Ouais, c'est non, mais il faisait pas encore nuit, il était à peu près 16h. Et donc, tous les voisins ici, ils ont des poules, des poulaillers. Et du coup, on est parti chasser un poulet au tir à l'arc. Donc, on avait chacun notre arc comme ça. Avec un arc ouais. Et tu sais ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Faut viser l'œil parce que c'est tout mou. Écoutez, je suis un enfant de la campagne. Ah, faut bien viser par contre. Dis, ah oui, bon, à la 22, je peux te dire que tu le chopes. Ouais, mais enfin, à l'arc, c'est trop fignon hein, que tu tues. Non, je rigole, évidemment, on fait pas du mal aux animaux. Il y a des façons de les tuer. Hein. Oui. Demandez chez Sarah comment ça se passe au bled. Il creuse un petit trou là, il vous appelle l'ancien, il arrive et quick. C'est vrai. Ouais. Et du coup, Polo, comment ça s'est passé? Bah ça s'est fini que du coup on est parti chasser la poule comme ça avec l'arc. Donc on était tous là, on avait deux arcs, on essayait de tirer sur les poules, on a réussi à en avoir. C'est vrai, ils ont eu la frangine de Sylvain. Et du coup vous arrivez à choper un poulet. Du coup on chope le poulet, hop on le ramène, on le déplume et tout. Ah oui, à le déplumer, faut mettre l'eau chaude, faut mettre de l'eau bien chaude et faut le déplumer plume par plume, c'est galère. Ah ben là on l'a mis sur la gazinière, on a fait brûler les petits poils comme ça sur la gazinière, c'était assez payé, assez chiant. Ouais, et après ça on n'a pas pu le manger en fait parce que c'était trop dur. Tu sais la viande quand tu la tues, il faut la tuer un petit peu avant et la laisser se reposer. Et là c'est du chewing gum, c'était trop dur, du coup on a bouffé que des frites. Tout ça. Et vous avez buté un poulet pour ça, merde. C'est une honte. Ah ouais. Paul, honte à toi. Merde. Ouais. J'ai bouffé les œufs, j'espère au moins. Putain. Il y a les poulets qui vont défiler avec des gilets jaunes là, fais gaffe. On transmet tout de suite coordonnées aux autorités compétentes. Non mais c'est ouf. Les gars, calmez-vous. En plus, ce qui m'inquiète, c'est que vous étiez à jeun, quoi. Ouais, ça, c'est pas. Vous étiez à jeun ou pas? Mais vaut mieux, sinon, à mon avis, ils se seraient chassés entre eux. C'était pour Robin des Bois, les mecs. Non mais c'est ouf, vous êtes des ouf, les mecs. Et doucement, allez chercher des nuggets, il y a un drive quelque part. Il y a un supermarché à côté de chez vous. Il y a un supermarché à la campagne, il achète le poulet tout près. Non mais grave. Et il a dit quoi, le voisin? Est-ce qu'il a retrouvé sa poule? Ah bah il a pas retrouvé sa poule. Mais il en dit quoi? Est-ce qu'il sait qu'elle a disparu? Ça se trouve il aime sa poule. C'était une poule à viande, c'était une poule pour les œufs, c'était une poule pour quoi? C'était peut-être une poule de compagnie, ouais. Oh non! C'est ce qu'on dit, hein. Une poule de perdu. Une poule de perdu. Oh non! 10 poules d'un truc. Non mais c'est pas horrible. Vrai. Attends, en plus c'est une poule domestique. Les gens ils sont trop attachés aux poules. Ah ouais. Tu sais que je me dédouane de ce qu'il vient de dire. Pour dénoncer ce qui se passe. Ouais, Paul, t'es un enfoiré. La poule au pot, non. Fais la poule pour t'excuser là. Ouais, moi je suis toi. Là je demande 10 secondes de poule. Oh la poule. En hommage à cette poule décédée. Allez Paul, la poule. Allez Paul, vas-y. Après Paul, le poule. Vas-y Paul. Vas-y. Vous voulez que je fasse la poule du coup? Donc ouais, en hommage à cette poule décédée. Allez. Petite poule, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé hier et pour toi. Ah mais c'est pas possible, t'es de la famille des poules, tu le fais trop bien. En fait, elle est pas morte la poule. Tu l'as mangée, tu as fait un truc. Elle a un truc, tu l'as mangée vivante, elle est encore là, elle discute. Allez Paul, on t'embrasse, salaud. Bisous mon pote. Bisous. À chacun son nouvel an. Vous venez 0800 70 42 48. Et puis là les amis, on va faire une petite pause sur ça. On vous attend. On va se mettre DJ Snake. Ouais. C'est parti, bam. S'il y a les deux, c'est l'éco Amazon pour vous. Vous la gagnez, c'est cadeau. Et puis les questions arrivent là. J'ai des questions à vous poser, mesdames. Et je sais que mesdames. Oui, c'est pas Amazon, c'est Amazon. Déjà. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Et toi c'est pas con, c'est con. Báilame como si fuera la última.

C'est ma mère me faire une confession. Terrible. Depuis le début de l'émission, c'est le chapiteau dans son slip.